journée. J'aspire la salle à manger. Je cire le grand escalier. Je peux pas jouer, pas chanter, pas rêver. Je range le matin, le midi et le soir. Je balaye toute la journée. J'aspire la salle à manger. Je cire le grand escalier. Je peux pas jouer, pas chanter, pas rêver. Je peux pas jouer.